suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 126e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike, c'est la Vampire Freaks et c'est la 126e. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, au programme du culte, du nouveau, des exclus, j'ai quelques exclus, du son culte, enfin bref, que du bon. On commencera tout de suite avec How Soon Is Now de Smith. C'est sur l'album Meet Is Murder, leur deuxième album, sorti en février 1985. On retrouve Russell Murphy's Nowhere Fast et Barbarism Begins at Home. Et tiens, petit jeu, c'est le générique de quelle émission ça? On continuera ensuite avec Surgical Strike, le nouveau antagonisme. C'est sur leur premier EP, 6 titres, Trash Apocalypse, qui est sorti en 2018. On retrouve Lot, Burning in Syria, Surgical Strike, 49.3, Speed Hammer et Point of No Return. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales numériques. On continuera avec une autre nouveauté, Ink of My Eyes de Bikes Project. C'est sur l'album Abyss of Mine, sorti en mars 2018. On retrouve The Great Dance, Hidden in My Dreams, Deep Inside. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On retournera un petit peu dans les années 70 avec Fatty Dread de Judge Dredd. C'est sur l'album Last of the Skinhead, sorti en 1976. On retrouve Bring Back the Skins, Dread Rock, Banana Throat Song, du reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec Lionheart de Gravedigger. C'est sur l'album Knights of the Cross, leur sixième album sorti le 18 mai 1998. On retrouve Monks on Fire, Over the Seas et Children of Grave.

Vous êtes toujours dans 126e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter How Soon Is Now de The Smiths. Et oui, c'était le générique de Charmed. On a eu ensuite Surgical Strike de Antagonisme, le nouveau Antagonisme. On a eu ensuite Ink of My Eyes, le nouveau Bice Project. On a écouté le grand classique Fatty Dread de Judge Dredd. Et on a fini ce bloc en live avec Lionheart de Gravedigger. On continuera cette émission avec Personne pour te soutenir de Comptoir Chaos. C'est un vinyle. C'est sur un petit split Comptoir Chaos versus des ordures ioniques qui s'appelle Complètement Capoté Tabarnak. C'est un 45 tours, donc 4 titres, qui est sorti le 20 janvier 2017. On retrouve Pyromane des ordures ioniques, Comptoir Chaos des ordures ioniques. Sur la face A et en face B, Personne pour te soutenir de Comptoir Chaos et Mon amant silencieux aussi par Comptoir Chaos. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera cette émission avec A Million to One de Halloween. C'est sur l'album The Time of the Oath, leur 7e album sorti le 29 février 1996. On retrouve Weburn, Wake Up the Mountain et Kings Will Be Kings. On écoutera ensuite Never Give Up, c'est une nouveauté, c'est le nouveau Happy Feast. C'est sur leur premier EP, My Choices, My Life, leur premier EP 5 titres. On retrouve Marseille HC, Fucking Beach, Never Give Up et Forever Sea. C'est sorti le 7 avril 2018. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec du son québécois. Let Me Tell You de Good Scrapper, c'est sur l'album Getting Through, sorti le 9 juin 2017. On retrouve Thankful, Let the Light, No Way Back. On les retrouve sur Facebook. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec I'm Just a Guy de Alton Ellis. C'est sur l'album Working on a Groove, sorti en 1968. On retrouve Rocksteady, Reggae With You et du son culte. Dans la maison. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Let me show you why I'm ashamed. guy. Believe me, I'm just the guy. Hey, I'm just the guy. Thank you. Thank you very much. Merci. Respect. Thank you. Okay, we're gonna do a little song here. I think you all know it. And if you know the song, please. T'en fais pas, Elton, tu vas être de nouveau diffusé bientôt. Vous êtes toujours dans sa 26e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Personne pour te soutenir de Comptoir Gao en vinyle, A Million to One de Halloween, Never Give Up le nouveau Happy Feast, Let Me Tell You de Ghostcrasper et on a fini ce bloc en live avec I'm Just a Guy de Alton Ellis. On continuera cette émission avec, ah là il y a de la nouveauté là, il y a de la nouveauté. On écoutera tout de suite Cup of Tea, le nouveau Ligi, c'est sur leur premier EP Supernova 6 titres, c'est sorti le 30 septembre 2017. On retrouve Supernova, Life in a Blue Sky, Gueule de Bois, Cup of Ice et Draw Up the Line. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Consomme et Creuse ta tombe, des enfants perdus, c'est sur l'album L'Almécédiste, sorti le 16 octobre 2016. On retrouve Révolution, Le Pogo des Zombies et Moloko. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec une autre nouveauté, Burning Sun, le nouveau Red Cloud. C'est sur leur premier album One, sorti en mars 2018. On retrouve Supersonic, Give Up et Don't Play the Fool. On les retrouve sur Facebook, Reverb Nation, YouTube et le CD One est disponible ou commandable aussi chez Cultura. On écoutera ensuite une autre nouveauté, La Bouchère de Hanovre, le nouveau Bad Trip. C'est sur l'album Les Contes de la Trip, sorti en mars 2018. On retrouve Hansel, Elisabeth et Car nous sommes nombreux. Allez sur la page Facebook, ils sont sur Bandcamp, ils sont sur YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec I've Got You Babe de Lucky Dube. C'est sur l'album Slave, sorti le 29 septembre 1989. On retrouve Let Jah Be Praised, Back to My Roots et Rastaman. Me

Vous êtes toujours dans la 126e Bumper Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Cup for Ice de le nouveau Ligi, Consomme et Crostatome des Enfants Perdus, Burning Sun, le nouveau Red Cloud. Allez sur la page Facebook de Ligi et Red Cloud, ça vaut vraiment le coup. On a continué ensuite avec la Boussière de Hanovre, ah bah j'ai oublié aussi, il faut aller sur la page de Bad Trip, et avec la Boussière de Hanovre, leur nouveau titre, et on a fini ce bloc en live avec Avocat to Babe de Lucky Dube. On continuera cette émission avec Marche à l'ombre de Renaud. C'est aussi le titre de son quatrième album sorti en février 1980. On retrouve les aventures de Gérard Lambert dans Mon HLM et Où c'est que j'ai mis mon flingue, un classique du rock français. Et à la base, ça avait été fait pour le film Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin et Michel Blanc. On écoutera ensuite Creuse Manouche, le nouveau Bob's Not Dead. C'est sur l'album J'y pense, sorti le 1er septembre 2016. Ouais, je sais, c'est pas nouveau, mais moi je l'ai eu il y a pas longtemps cet album. On retrouve dessus À l'encre noire. Au détour d'un troquet et Je me barre. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On écoutera ensuite BKLKB, c'est une exclusivité. C'est le nouveau Ali Bankai, c'est sur le truc de. C'est une démo qu'on retrouve sur YouTube, il y en a pas mal. J'ai la chance de travailler avec lui, c'est un peu moi qui fais les enregistrements, mais bon, c'est surtout pour lui que je le fais parce que c'est un petit rappeur de chez moi qui a beaucoup beaucoup de talent. D'ailleurs, un petit coucou à toi, Ali. On écoutera ensuite Trop bien mais trop court. Enfin, c'est le nouveau et c'est même une exclusivité. C'est le nouveau single de Nawak de leur premier album Trop bien mais trop court qui est sorti il y a 15 jours. On retrouve Trop bien, TikTok et Walking Red. On les retrouve sur Facebook, YouTube. Et pour commander le CD, vaut mieux leur demander directement à eux. Contactez-les sur leur page Facebook Nawak. Et on finira ce bloc en live avec L'homme pressé de Noirdez. C'est sur l'album En public sorti en 2003. On retrouve Tostaki à l'arrière des taxis, One Trip Point Nose, Marlène, enfin bref, tous les classiques de Noirdez. Quand le baba cool Kradok est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, pâte au gaz, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues.

pas, je m'attends Stanley Kubrick, mieux qu'un film assez fade. Un virus potentiel, je m'endors avec une peau de holo. Ce matin, Stanley Kubrick, mieux je te fais un de ces rap créatures presque encore, mais qu'il me faut de l'euro. Serait bien se barrer d'ici, loin de cette ville misérable. Pas dur, mais on se fait yeah, je fais pas grand chose. C'est qu'il faut que je dorme, c'est quand j'ose, faut que je me donne. Fuck le monde, et c'est l'heure. J'vis dans la paresse, pas la paix, c'est pas pareil. Canapé, j'm'y calapé. À pied 10 km, j'ise mon corps par terre. J'suis pas prêt à ce qui paraît, rien à péter, j'ai mal à paix. À pêche de kilomètre, c'est pas que c'est moi qui leur pille. Plus pas qu'en 10 minutes, infernal se nourrit de pinch. Plus de fois que 10 minutes trus, un flash de whisky. Faut que j'diminue le truc, pas de pacte avec les nids. Faut que les milices ou tout, check la police partout. Baptiste pour les nantis, le peuple a pressenti. Lui aussi veut le pouvoir et ça depuis la Grèce antique. Il le croit depuis le mot démocratie. Je fais le coup et la croix depuis ma période raciste. Ouais, faut que j'en parle assis. Influencé très vite, j'étais un gars petit con. Ouais, faut que j'en parle ici. T'inquiète, les gens grandissent. Maintenant, j'encule Marine. Loin de l'état de droit, je roule un stick. Après, j'enregistre chez mon pote le chinois. Je vote Poutou. Un sale gauchiste, je faisais des A partout. Sur du reggae, je calais des douilles. J'étais sûr que je ferais mieux que cette vie d'enflure. Maintenant, je vis, je m'en bats les couilles. Je reste tranquille, je fuis les erreurs. Mon but survit, je fuis les détours. Mon cœur m'écrit, ça je l'avoue. Encore écrit ces derniers jours. Le ciel écrit, tourne à vautour. Attendant que je tombe sous les coups. La vie et ses acteurs, des amis, des faux culs. J'en ai plus beaucoup. Les vrais restent les seuls. Je vais dans la paresse, pas la paix, c'est pas pareil. Canapé, je m'y calapé. À pied 10 km, j'ise mon corps par terre. Je suis pas prêt à ce qui paraît, rien à péter, j'ai pas la paix. À bêche 2 km, c'est pas que moi qui leur vis. Plus de pas qu'en 10 minutes, infernal, je nourris le pinch. Plus de fois que 10 minutes russe, un flash de whisky. Faut que j'diminue le truc quand l'été arrive. Tout malade, l'hiver, je vis trop malade. J'écoute pas de Stromae, j'ai la pop, c'est trop marrant. Trop déter, la bombe, la patate. Mais j'suis pas héritier ni fils d'Africain. Combata, j'fais partir le vide. Rax prend pas start, vie de Faradji, Altar Patron, Spigat, j'entends les cris de l'anarchie. Ah bah non, c'est pas WAM, j'suis sous tout l'alchit, Mandarouane, moi du rhum, Imaco, les styles, belles sauces, peu des down. Tous un peu ronds, bois sûr, pas que de l'eau. Shoot, shoot, j'plie pas mon gars, shoot, tombe à cam au gaz, shoot, y'a ma cam au calme. Fuis, y'a les keufs en bas, j'attendrai le passeur sous des colonnes de marbre, prendre vue dans un rêve et puis des ruelles sont de cartouche. Crépasseur, golem, colosse de larmes, des ratures, pas mon steak, c'est mes rimes, belles sombres. J'vis dans la paresse, pas la paix, c'est pas pareil. Calapé, j'm'y calapé. À pied 10 km, j'ise mon corps par terre. J'suis pas prêt à ce qui paraît, rien à péter, j'ai pas la paix. À pêche 2 km, c'est pas que c'est moi qui leur pille. Plus de pas quand il minute, infernal, c'est nourri de pitch. Plus de pas quand il minute. Court trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien, mais trop court. Trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Qui n'a jamais rêvé d'avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Faire que l'instant présent dure indéfiniment. Les occasions ne manquent pas et se présentent à nous tous les jours. On a tous en tête des tranches de vie où c'est trop bien mais trop court. Échanger un sourire avec une jolie fille dans la rue. Se retourner et voir qu'elle a disparu. Petit moment de bonheur éphémère. Comme quand tu viens d'emballer juste avant de pégère. Te remémorer la première fois que tu as fait l'amour. Tu t'es dit c'est trop bien, elle s'est dit c'est trop court. Tout un tas de petits plaisirs fugaces. Comme de me dire que mon repos sera mon épitaphe. Sorti teuf, les keufs arrêtent la voiture d'après. Mais ils ont fait de barrage, les enculés. Un concert qui finit trop bien par un slam au salto arrière. Pour retomber en plein sur les barrières. Quand les pompiers arrivent à temps, quand on a baissé contact et serré la plus mignonne de tout le supermarché. Quand dans la rue, on te prend pour une star de ciné. Même s'il s'agit d'un salaud de série B. Trop bien mais trop court, trop bien mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien mais trop court, trop bien mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Le temps, lui, s'écoule toujours à la même vitesse. Soit notre ressenti varie selon la forme ou le stress. Et si les normes nous oppressent dans un canapé, on s'affaisse, tombant dans les bras de Morphée, nous perçant le temps d'une sieste. En quelques secondes, partir à l'autre bout du monde. Mais le réveil est d'une rare violence. Les temps de repos sont toujours trop bien, mais trop court. Un peu comme les vacances, attendues avec impatience depuis l'enfance. Telle une renaissance où l'on peut vivre nos extravagances. Comme devenir le Usain Bolt de la cuite et s'envoyer 100 mètres de shooter en 9,58. Profiter d'un happy hour dans un bar ou ailleurs, quelques minutes de bonheur. Faire taire la bite qui te fait chier depuis des heures. Les mots en guise du percute, mettre KO même les boxeurs. Sauter en parachute sans foutre pour atterrir dans un couvent. Être le god de ces dames priant la verge depuis longtemps. Vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Le plaisir est toujours bien plus court que l'ennui. Mais trop court, trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien, trop bien, mais trop court. Trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. N'imaginez pas ce qu'ils sont. Suivez le moine et les liens dans mon cerveau qui veut entrer dans la toile de mon réseau. Une sorte quotidien de l'inhumanité, des profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche. Je suis dans l'immobilier, je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Je connais la tue Paris et puis le reste aussi. Mes connaissances uniques et la femme que je fréquente, évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi et roi. Explosez l'audimat, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui l'ai fait. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous le savons à vivre. Et notre poète n'est que de la confiture à des cochons. Qui veut de moi et de l'aide dans mon cerveau. Dans la toile de mon réseau, vous savez que je suis un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé. Wow, un homme pressé, je suis un homme pressé, un homme pressé. Je suis un militant quotidien de l'inhumanité. Je ne parle pas des médias, moi je suis riche, très riche. Je suis dans l'immobilier, je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Et puis je traverse le temps, je suis de plus en plus présent. Je suis une super référence, je peux toujours amener ma chance. Je vais vite, très vite, ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique, moi je sais presque pas les titres. Je suis un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé. Wow, un homme pressé. Là, dit-on en Amérique, lui ou pas, pour le siècle soviétique, amour aux quatre coins de France. Vous êtes toujours dans la 126e Vampire Freak et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Marcel Ombre de Renault, Creuse Manouche, le nouveau Bob's Not Dead. On a ensuite BK, LKB et le nouveau et l'exclusivité de Ali Bankai. On a ensuite trop bien l'exclusivité de Nawak. Écoutez leur album Trop bien mais trop court, c'est vraiment très bien. On a fini ce bloc en live avec L'Homme Pressé de Noir Désir. On continuera cette émission avec Child of the Damned de Hammerfall, c'est sur l'album Glory to the Brave, leur premier album sorti le 27 juin 1997. On retrouve The Metal Age, Hammerfall et Stone Cold. On écoutera ensuite Highway to Dub de George Dub, c'est sur l'album Some Dubstruck sorti en 2017. On retrouve Mystical Dub, Rolling Dub et Sound from Deep. On le retrouve sur la page Facebook, Bandcamp, Soundcloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Medicine de Prodigy. C'est sur l'album The Day Is My Enemy, leur sixième album sorti le 27 mars 2015. On retrouve The Day Is My Enemy, Rebel Radio et Royal Frontier. On écoutera ensuite Crying Times de The Congos, c'est sur l'album Back in the Black Ark, sorti le 22 mars 2010. On retrouve Celestial World, Garden of Life et Music School. C'est un best-of et derrière les studios Black Ark se cache Lee Scratch Perry. Et on finira ce bloc en live avec Love Child de Accept. C'est sur l'album Balls to Balls, leur cinquième album sorti le 5 décembre 1983. On retrouve London Leatherboy, Fight It Back et Losers and Winners, du son classique, je dirais même presque cul. I'm so geared, I'm to them, they say. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. About me, but I don't care a kick about their views. Choose the power and the glory of the Almighty. One fine day, I know we must judge you. Day by day, as I step along the highway, but my people always have something to say. When I knelt down on my knees and prayed, open my eyes, I see a bright day. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, yeah. Hold on, Mount Zion, hold on, Mount Zion. Thank you. Merci à toi aussi, Udo. Vous êtes toujours dans la 126e Vampire Freaks. On vient d'écouter Child of the Damned de Hammerfall, Highway to Dub de George Dub, Medicine de Prodigy. On a eu ensuite Crying Time de The Congos et on a fini ce bloc avec Love Child de Accept. Cette 126e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Pareil, si vous êtes un groupe, si vous souhaitez être diffusé, contactez-moi. La semaine prochaine, eh ben, il n'y aura pas d'émission parce que, pour une raison bien simple, c'est que là, ce week-end, je suis sur le festival Lorenzic. Je vais essayer de choper des infos. Enfin bref, moi, je vais voir Massilia Sound System. On finira cette émission avec Mona Lisa Klaxon en live de Jacques Higelin. C'est sur l'album Higelin à Mogador, sorti en 1981. On retrouve Banlieue Boogie Blues, Je veux cette fille et Tête en l'air, un classique de chez Classique. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Klaxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Klaxon. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Klaxon. Comme ça. Mona Lisa Klaxon. Et toi? Oh, Mona Lisa Klaxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Oh, oh, oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona. Les soirs où Mona Lisa Klaxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant l'échine. De la jungle en démence monte cette incantation divine. Divine Mona Lisa Klaxon. Joue du trombone Mona Lisa Klaxon. Sors ton trombone. Oh Mona Lisa Klaxon. Bonne Mona Lisa Klaxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Quand soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Dans les yeux fous du monstre basse une étrange lueur. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se le saisir. Oh, Mona Lisa Klaxon. Tête ton trombone. Oh, Mona Lisa Klaxon. Planque ton trombone. Oh, Mona Lisa Klaxon. Et moi qui reste là, pendu au téléphone. Ne coupez pas. Ne coupez pas.